Lisbeth s'habilla, prit son fameux cachemire jaune, sa capote de velours noir, mit ses brodequins, et, rebelle aux remontrances d'Adeline et d'Hortense, elle partit comme poussée par une force despotique. Arrivée rue Barbet quelques instants après Monsieur et Madame Hulot, Lisbeth trouva 7 médecins que Bianchon avait mandés pour observer ce cas unique et auquel il venait de se joindre. Ces docteurs, debout dans le salon, discutaient sur la maladie. Tantôt l'un, tantôt l'autre, allaient soit dans la chambre de Valérie, soit dans celle de Crevel, pour observer, et revenaient avec un argument basé sur cette rapide observation. Deux graves opinions partageaient ces princes de la science. L'un, seul de son opinion, tenait pour un empoisonnement et parlait de vengeance particulière en niant qu'on eût trouvé la maladie décrite au Moyen-Âge. Trois autres voulaient voir une décomposition de la lymphe et des humeurs. Le second parti, celui de Bianchon, soutenait que cette maladie était causée par une viciation du sang que corrompait un principe morbifique inconnu. Bianchon apportait le résultat de l'analyse du sang faite par le professeur Duval. Les moyens curatifs, quoique désespérés et tout à fait empiriques, dépendaient de la solution de ce problème médical.